Chapitre 40. Fin de Monsieur Dormer, de Georges et du livre. Le voyage fut long à cause des ménagements que demandait encore la santé de Jacques et celle de Ram. Mais ils arrivèrent tous sans accident et s'établirent dans leur maison d'Auteuil, que Mademoiselle Primrose avait achetée pour Jacques et Geneviève par l'entremise du subrogé tuteur. Elle avait été arrangée à neuf. Le jeune ménage était logé au premier avec Pélagie. Le rez-de-chaussée était préparé avec les salons pour Mademoiselle Primrose. Ils apprirent en arrivant que M. Dormer avait été frappé de paralysie le soir même du départ de Georges. Tous les trois allèrent le voir à Plaisance. Au lieu du bel homme bien conservé, à cheveux noirs, à tournure élégante, ils trouvèrent un vieillard à cheveux blancs, paralysé des jambes et ne pouvant faire un mouvement sans l'aide de deux domestiques. Il pleura beaucoup quand il les revit, demanda 10 fois pardon à Geneviève et à Mademoiselle Primrose de ses affreux procédés à leur égard. Il les supplia de ne pas l'abandonner. « Je suis si malheureux, dit-il, toujours seul, le cœur déchiré par les souvenirs du passé, rongé de remords, de regrets, volé et abandonné par le fils ingrat que j'ai tant aimé. N'ayant pas une pensée consolante, mourant d'ennui autant que de chagrin, perdant la vue à force de verser des larmes. Ayez pitié de moi, vous êtes assez vengé. Jacques Geneviève, vous étiez bon jadis. Soyez-le encore pour votre malheureux oncle, qui reconnaît trop tard son injustice, et qui vous en demande pardon avec larmes. » Geneviève pleurait, Jacques était très ému. Tous deux s'agenouillèrent près de lui et mêlèrent leurs larmes aux siennes. « Mon oncle, dit Jacques, permettez-nous de vivre près de vous. Geneviève ne me démentira pas, elle est toujours l'ange que vous avez méconnu jadis. » Mademoiselle Primrose. « Et moi, mon pauvre cousin, je joins ma demande à celle de mes enfants. Je les aiderai dans leur besogne. Je veillerai sur votre ménage, je serai votre secrétaire, votre femme de charge, tout ce que vous voudrez. » Monsieur Dormer. « Excellente cousine, chers enfants, soyez bénis de votre offre généreuse. Oui, venez, venez tous chez moi, ne me quittez pas. Dieu récompensera votre dévouement. » Après un séjour de 2 heures, Jacques, Geneviève et Mademoiselle Primrose s'en allèrent, lui promettant de revenir le lendemain dans l'après-midi. Il les remercia en pleurant du pardon qu'il voulait bien lui accorder et qu'il ne méritait pas, disait-il. Ils vinrent en effet le lendemain, échangèrent par leur présence l'affreuse vie qu'ils s'étaient faite, en une vie sinon agréable, du moins calme et tolérable. Ils se plaisaient à faire revenir Mademoiselle Primrose sur le passé, à lui raconter et expliquer ce qu'il ignorait encore, à lui dévoiler les infamies de Georges. Il aimait à entendre parler du bonheur de Jacques et de Geneviève, de leur amour naissant. Il connut la part brillante qu'avait prise Jacques aux glorieuses batailles de Mantana et de Monte Rotondo, le beau dévouement de Ram pour préserver le mari de sa chère petite maîtresse. Il gémit de son injustice à l'égard de cet admirable serviteur. Les jours s'écoulèrent ainsi, paisibles et presque heureux. Les seuls moments amers étaient ceux qui le reportaient sur son fils, lequel, depuis son départ, ne lui avait pas donné signe de vie. 6 mois après, il reçut une lettre cachetée de noir. Il l'ouvrit. Elle était du Conseil de France à la Veracruz et lui annonçait que son fils, Georges Dormer, était mort de la fièvre jaune, qu'il l'avait chargé de transmettre à son père l'expression de son repentir pour sa conduite à son égard, qu'il avait demandé et reçu les derniers sacrements, qu'il était mort dans de bons sentiments, demandant pardon dans son délire à tous ceux qu'il avait offensés, particulièrement à une demoiselle ou dame Geneviève, etc. 1 heure après, M. Dormer était frappé d'une nouvelle attaque d'apoplexie qui termina sa vie et ses souffrances après 2 jours de lutte. Le notaire, immédiatement averti, se transporta sur le champ à Plaisance. Il trouva, dans le bureau du cabinet de travail, un testament qui laissait à Jacques toute sa fortune, y compris le château de Plaisance, à charge à Jacques de faire à Mademoiselle Primrose une rente viagère de 20 000 francs. « Si je laisse ma fortune à Jacques, disait-il, au lieu de ma nièce chérie, Geneviève, c'est pour égaliser leur fortune. Ma cousine Primrose trouvera dans la rente que je lui laisse une expiation de mon injustice et de mon ingratitude à son égard pendant les longues années qu'elle a consacrées à l'éducation et au bonheur de ma nièce. » Le chagrin de Jacques et de Geneviève fut vif. Mademoiselle Primrose trouvait, dans cette fin prématurée du père et du fils, une terrible expiation de la faiblesse du père, qui avait contribué ainsi à la dépravation du fils. Elle vit toujours avec ses jeunes cousins, qu'elle se plaît à appeler ses enfants. Tous, y compris Ram et Pélagie, sont aussi heureux qu'on peut l'être dans ce monde et reconnaissent la vérité du proverbe. Après la pluie, le beau temps.